pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd jusqu'à 4 heures avec Jolaine Ruet. Bien enchantée à toi, cher auditeur. C'est peut-être la première fois que tu écoutes CISM. Je t'apprends, c'est la fin de la saison hivernale et la semaine prochaine, le début de la saison estivale. Et Critique de Crowd sera encore du rendez-vous. Ben ouais, ben qu'un, tu verras pas la différence. Et voilà, si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, oui, je critique les foules, comme le dit le nom de l'émission. Je t'observe, Crowd, j'essaie de comprendre tous tes mouvements et des fois, il y a des moves qui me blessent et qui me touchent sentimentalement et aussi physiquement. Ce sera un très long sujet cette semaine. Et je tiens aussi à avertir, peut-être que tu as le cœur sensible, Crowd, mais qui aime beaucoup Critique de Crowd. Alors, mettons vers 3h18, ben, t'éteindras la radio. Cœur sensible, ça se tenir à 15h18. Et pour tous les autres, ben oui, c'est Critique de Crowd des Ghouls. C'était leur premier spectacle à Montréal depuis la sortie de Coma, mais pas depuis la fin, mon Dieu, de leur grande pause de 9 ans, parce qu'on fait des retours. Je pense qu'ils ont fait un spectacle au Stade olympique que je n'ai point vu il y a 2-3 ans. Tout ça pour vous dire que oui, moi, je n'avais jamais assisté à un spectacle des Ghouls, à part peut-être sur DVD. Ça compte moyen. Alors, j'étais très fébrile, très excitée, tout énervée, surtout que la salle Rossa était sold out pour l'occasion. Et la première partie était deux pouilles en cavale, du beau, que du beau, et plein de crowd. J'étais partie pour être heureuse toute la soirée, sauf que, il y a quelqu'un qui va rattraper tous les moments que j'ai perdus de ma soirée. Ce sera Benoît Poirier, qui est le directeur musical de CISM et spectateur dans l'occasion. Alors, il va nous faire un beau résumé, son angle, à lui, du spectacle et de la foule. Alors, c'est tout ça après la chanson de Montréal Carnivore. Je vous passe la chanson La Pêche, qui se retrouve sur leur EP Viande, tout simplement parce que ce sont les compositeurs de l'indicatif de Critique de Crowd. Je les remercie jamais assez. Merci les gars, je suis tellement heureuse de vous écouter à chaque semaine. Ben, c'est pas mal le cas, je vous écoute à chaque semaine. Et pour vous rendre hommage, La Pêche, Montréal Carnivore. Montréal Carnivore. Hey, Montréal, tais-toi, tais-toi. Ben, je dis tais-toi. On t'aime, les garçons, là, mais deux fois de suite, ce serait beaucoup. Hey, vous écoutez toujours Critique de Crowd et vous êtes aussi sur les ondes de CISM, un peu avec Benoît. Y a-t-il un problème technique de ton côté, Benoît? Absolument pas. Salut, Jolène. Alors, tu étais tout aussi présent au show des Goules à la Sala Rossa. Ouais. Et on s'est croisés à l'entracte où je t'avais mentionné que les gens s'aimaient particulièrement. Moi, je suis arrivée à la Sala et le monde frenchait abondamment. Et tu m'avais dit peut-être que c'était une sortie de coupe. Ça n'a pas été le cas, mais qu'est-ce qui t'a donné cette impression-là? Bien, moi, c'est que j'ai découvert les Goules vraiment sur le tard dans ma vie parce qu'au début, leur côté forain ne m'attirait pas pendant tout. Comme dans... Forain? Forain. Ah, forain! Ouais, ah. Forain. Puis... j'ai comme commencé à m'intéresser au groupe une fois qu'ils s'étaient séparés, tu sais. Puis j'avais comme une impression que leur retour allait attirer beaucoup de vieux punks qui, peut-être comme depuis qu'ils avaient comme connu les Goules et s'étaient intéressés à ça, avaient comme justement formé des couples, fondé une famille. Puis que c'était comme peut-être une espèce de fou vendredi soir pour des vieux punks qui sont désormais un peu plus calmes. Fait que j'avais l'impression que comme des gens allaient avoir beaucoup de choses à exulter. Puis. Fait que ça me faisait un peu peur. Mais comme de fait, la première partie, étant donné qu'elle était calme, ça pouvait laisser présager ça. Et l'âge de la crowd ressemblait aussi à ta théorie. L'âge qui est proportionnel à celui du groupe. Oui, à peu près, oui. Mais la jeunesse n'était pas assez présente. Je crois que je me suis demandé... Non, ouais. C'était des personnes âgées dans le sens de trentaine, mi-trentaine. Là. J'ai jamais dit mon vieux, là! Non, on va pas dire vieux, mais on va pas dire des personnes âgées en termes de public de show punk. Puis la foule était étonnamment calme. En tout cas, moi, je trouvais je suis resté plus en arrière, là, tu sais. Mais même, j'avais pas de secousses ou de gens qui... Je pense que les Goules, ça, tout le monde aime ça d'une façon très, très personnelle, tu sais. Fait que chacun a comme ses tunes préférées, puis les tunes que chacun aime à scander, tu sais. Puis c'est un peu une espèce de travail de geek de chacun, de comme trouver comme les personnes qui trippent ces mêmes tunes des Goules que toi, puis après ça forme des micro-clans. Ben, en même temps, j'apprécie avoir ta vision du fond de la crowd parce que t'es resté là pas mal tout le long du show. Je suis resté là pas mal tout le long, oui. À un moment donné, je me suis... parce que même si c'était relativement calme, ça brasse... Il faisait très chaud, c'est ça, il faisait vraiment très chaud. Puis à un moment donné, je me suis ramassé sur le long des tables de marchandises. Puis, tu sais, il y a une petite marche pour que les tables soient plus hautes que le reste. Ben, l'estrade est toujours présente. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais sur le bord de ça, puis il y avait une fille en l'air de moi qui avait une bière en bouteille, tu sais. Puis là, je parlais avec un ami, puis je dis, ah, comme bon, la fille m'a renversé un peu de bière dessus, tu sais, fair enough. Puis là, elle me renverse la bière dessus, puis encore, je dis, ouais, okay, c'est bien fatigant, tu sais. Puis là, finalement, elle dit, il y a comme quelqu'un qui fait référence au fait qu'il y a comme de la sueur qui tombe du plafond, puis la fille a dit, oui, c'est vrai, moi, je mets justement ma main par-dessus ma bière pour pas que ça arrive. Fait que c'était la faute du plafond, c'était pas la faute de la pauvre fille. Hé, hey, le plafond coulait! Ben, c'est l'espèce de tube de ventilation qui dégoûtait abondamment. Ouais. Fait que la ventilation, en plus d'être inefficace, elle suintait. C'est ça. Mais il fait toujours très chaud, là, ça, là. Oui, ben, ça dépend toujours les occasions, là, dès que c'est sold out. J'ai vu quelques spectacles dernièrement où on était peu nombreux. Fait que là-dessus, on était assez tempérés, là. Là-dessus, c'était bien agréable. Ce qui est drôle, c'est ta perspective de la foule, parce que dans 9 ans, je te dirais que ça s'énervait pas mal, merci. OK, ben, tant mieux. Ouais, tant mieux. Je sais pas comment le prendre. Sinon, ouais, tu me dis hors d'onde que c'était pas ta première expérience goulienne. Non, absolument pas. Je les ai vus, ben, seulement deux fois. Comme je disais, ça m'a pris beaucoup de temps avant de commencer, mais intéressé à ça. Puis ceci dit, je trouve que Coma, c'est clairement le meilleur album Keb qui est sorti depuis le début de l'année. Oh. Fait que, tu sais, le monde change, puis je fais partie de ces gens-là qui changent. Fait que tant mieux pour moi, puis tant mieux pour les Goules. De quoi on parlait? On parlait de tes autres expériences avec les Goules. Oui, c'est ça, je les ai vus. Je pense que c'était en 2005 ou 2006 au Francofolie, sur la scène extérieure, dans le temps qu'il y avait leurs anciens costumes de scène qui étaient justement davantage forains. Puis le batteur, je lui donnais beaucoup, beaucoup de kudos parce qu'il avait fait tout le show avec un habit de goaler. Puis ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Jouer du drum avec oui, un habit de goaler. Surtout avec les pattes de jambes, ça ne doit pas être ouais, pratique. Oui, non, c'est ça. Puis ça reste que c'est des tunes qui vont vite, les Goules. Ouais. Fait que ben, bravo à ce gars-là. Là, il était le vendredi il y a deux semaines, il était habillé en golfeur. Pis effectivement. De loin, avec sa petite barbe vaguement grisonnante, puis de loin, je te dis, moi, je suis resté plus en arrière, il me faisait penser à Sonny Duval. Puis, ben, c'est ça. J'ai partagé mon impression avec certaines gens qui ne la partageaient pas, mais de loin, je trouvais que le batteur ressemblait à Sonny Duval. Merveilleux. Oui. Et sinon, tu as dit d'autres expériences. Mais pour moi, c'est plutôt, est-ce qu'il y avait une différence entre les ghouls avant, les portes, les animaux, à part les costumes, est-ce que scéniquement, ils sont moins énervés, plus énervés? Je ne saurais te dire, Jolène, environ 10 ans séparent les deux concerts que j'ai vus, et c'était dans des contextes complètement différents. L'un était dans une salle extérieure et l'autre était dans une salle, puis c'était... Fait que c'est incomparable. Incomparable, Jolène. C'est très bien. J'apprécie ton esprit critique pour pouvoir pas comparer des pommes, des oranges puis tous ces fruits-là ensemble. C'est ça. Mais ceci dit, sur le concert, une chose que j'ai trouvée très appréciable, c'est qu'ils ont joué à peu près intégralement Chroma dans l'ordre, mais en l'entrecoupant de morceaux que la foule classiques. Oui, c'est ça, des classiques. Puis je trouvais que c'était une façon de faire qui était très intéressante. Fait que justement, on a tout le nouveau matériel dans l'ordre parce que le pacing du disque est très bien fait, à mon avis. Puis après ça, ben, au travers, on avait des petits bonbons tout le temps. Fait que c'est ça. Oui, surtout pour un lancement, des fois, on ne sait pas trop les formules, mais de ne pas faire les classiques, je crois qu'il y aurait eu de nombreux déçus. Voilà. Il y aurait eu de la pépène. Tout le monde était content égal. Exactement. Mais merci beaucoup de ton point de vue sur ce spectacle, Benoît. Merci beaucoup. Tu as roté mes yeux là où ils étaient ailleurs. C'est ça. Ben, c'était mon point de vue. Alors, merveilleux. Alors, pour tous ces French, parce que pour de vrai, il y avait de l'amour dans l'air au Ghoul. On va écouter avec podcast, avec la chanson « Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle ». Elle me dit, la vie me traîne, me gâche et me recrache sur des distances qui ne se comptent pas sur mes doigts. J'en ai dépensé des nuits et des lendemains de veille. Gornier quand j'étais pas là, dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. J'ai le corps qui veut tellement, mes quatre ans sont ouverts. J'embrasse mieux que je parle. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je. chante, c'est un volant qui se tient à deux mains. Où il est celui qui veut la même chose en même temps, la même affaire aujourd'hui, demain et devant. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. J'ai le cœur blindé, mais corps, mon ange est dans l'effort. Quand ce qui ne nous tue pas, nous rend quand même plus mort. Peut-être que tout ça sonne comme si je baisse les bras. En vrai, c'est juste que j'ai personne à mettre dedans. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. Avec podcast sur les ondes de CISM. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle à tous ces Frenchers dans la salle de la Sala Rossa. Et même avant d'arriver au spectacle des Goules dans cette merveilleuse salle sur Saint-Laurent, mon Dieu, je suis en train d'hésiter sur mes rues de Montréal. Justement, je marchais dans les rues de Montréal et on dirait que... soirée de fête, c'était un vendredi soir. Les voitures font jouer leur musique plus forte dans leur système de son. Oh oui, du boom et chicka boom qui m'a mis dans l'ambiance. Ça n'a tellement pas rapport avec les Goules, mais oui, ça a réussi à me mettre dans l'ambiance d'entendre comme un gros char faire jouer Barbie Girl d'Aqua. Ça m'a fait tellement rire, on dirait, d'assumer aussi fort Barbie Girl, que moi aussi, je me suis mise à danser dans la rue, sur le trottoir. Déjà, ça m'énervait encore plus pour le show des Goules. Stop la musique. Il l'a même pas écouté au complet. J'étais quasiment déçue. Et hit par-dessus hit 90, il met I'm Blue de EA Fall 65. Là, j'étais comme, ah mon Dieu! Comment on fait pour assumer autant de chansons une à la suite de l'autre? J'étais comme... Ah oui, j'ai été estomaquée, comment on pouvait... nostalgie, des fois, ça nous fait faire plein de choses. Ou juste que c'est vraiment ses chansons favorites, puis c'est encore plus beau comme anecdote. Reste que oui, j'étais... On dirait que cette musique emballante qui nous donne le goût de dandiner m'a amenée à la Sala Rossa avec, ben oui, de la joie dans mon cœur et de constater tous ces gens amoureux. Je spécifie beaucoup, mais il me semble que je vais avoir des shows, puis j'en remarque pas autant que moi, ouais, le monde French et porte les t-shirts des anciens performances du groupe, des anciens albums. Alors, plein de vieux t-shirts et de gilets, de gaminets, peu importe la longueur de tes manches, des Goules. Alors, amour autant dans ton vestimentaire que dans ta bouche. Fait que je vous le dis, il y avait beaucoup de passion dans la salle. Et quand je dis passion, c'est aussi... les gens parlent, puis il y en a un juste à côté de moi, il dit « gros crabe de poche ». Déjà, ça faisait des blagounettes entourant les paroles du groupe. On voit qu'il y avait une tension dans l'air, dans le sens où il y avait une première partie, c'était deux pouilles en cavale, et leur performance était vraiment excellente. Mais ils ont spécifié au début « ça va être court, ça va être drette » ou l'inverse. « Ça va être drette, puis ça va être court ». Tout ça pour vous dire que je crois que eux-mêmes le concédaient. L'ambiance était déjà là. Il y avait déjà quelque chose entre les gens dans la foule. Ouais, il y avait déjà une ambiance. Alors, la première partie, disons que, ouais, question au crowd, ça va être un peu simple, tout simplement parce que les gens avaient hâte aux Goules, attendaient les Goules, sans pour autant que ce soit impoli, vraiment pas du tout le cas. La foule était attentive, très en rangée. Dans ce sens-là, les gens étaient prêts, il y avait déjà leur place pour les Goules. Et c'est drôle, les rangées étaient un peu un peu en curve, il était un peu convexe à la scène, mais malgré la courbe, c'était très proche, très serré. Et comme je dis, hyper attentif et musicalement, tant mieux, parce que oui, aussi, scéniquement, c'est intéressant ce que le groupe font depuis en cavale. Ils ont toute une artillerie, là, tu sais, des chimes font plein de bruit. C'est pas, on n'est pas dans les accessoires, mais il y a quand même une variété où visuellement, ça peut être intéressant de juste les regarder. Et même quand ils décident, à un moment donné, dans une chanson, de changer de drummer, là, tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai trouvé ça drôle, cette notion de performance scénique. Non, on n'était pas en train d'acter, mettons, comme les ghouls peuvent le faire un peu, ou performance scénique en faisant des grosses parages. Non, on était vraiment plus dans une espèce de dynamique dans la création de la musique qui se reflétait aussi sur scène. Alors, peut-être que pour ça, le fait d'avoir pu me concentrer que sur ce qui se passait sur scène était fort appréciable. Mais en même temps, musicalement, je trouve qu'encore une fois, il y a un potentiel crowdien incroyable. Tu sais, des bouts que ça varge là, dans le tas. Fait que oui, il y a du potentiel qui ne s'est pas passé le vendredi dernier pour le spectacle des Ghouls. Puis en même temps, je me dis, c'est vrai que c'est vraiment passé une première partie. Il y a plein d'autres circonstances qui fait que l'action n'a pas été présente, sauf à un seul moment, un seul et unique moment, où c'est la chanson « Le braconnier ». Il y a une petite pause un peu dansante, puis là, il y a du monde qui ont fait des moves disco. Le bout, il dure 5 secondes, là. Fait que, ouais, on dansait 5 secondes, là. C'était un coup, puis il était cute. Fait que ça a été la grosse action du rap 2 pour y en cavale. Mais en même temps, c'est ça, c'est correct, dans le sens où c'était une première partie. C'est tellement dur, il y a quelque chose d'un peu ingrat hein, dans les premières parties, mais elle était excellente et je pense que c'est tout ce qui compte. C'est quand même beau aussi qu'il y avait énormément de gens pour pouvoir la voir. Alors, je t'ai parlé des braconniers, fait que tu vas pouvoir entendre le beau 5 secondes puisqu'on va l'écouter. Cette chanson se retrouve sur Tambour et Temps mort. Le braconnier! Ce panache où je tire, avec ce panache. De Pouille en cavale sur les ondes de CISM. Après les publicités, les ghouls, je te parle du tinaire sur le bout du coude puis même de mon nez. Non, je te fais pas un cours d'anatomie, mais écoute, je m'en parlais de mon physique. C'est une semi-critique de crowd, mais tout aussi, boy, rempli d'anecdotes. Ben oui, tout ça, après les publicités. À tout de suite. Salut, c'est Choice de Red Mass et Pipi. Vous écoutez CISM 89.3 et un joyeux 25e anniversaire à CISM. Musique t'invite au lancement de Ricochet, le nouvel album de Joseph Edgar, le mardi 3 mai, de 18h à 13h, au Baron Samedi sur la rue Masson. Au menu, une prestation, des DJ, des plats de la Nouvelle-Orléans et du gros fun. C'est gratuit! Malgré les tempêtes et vos regards d'étoiles, je ne me laisserai pas tomber dans vos histoires sales.

Violette P sur les ondes de CISM. Vous avez entendu la chanson « Les huîtres » de Julie Payette avec Claude Pelgag. Cette chanson se retrouve sur le nouvel album « Manifeste contre la peur » de Violette P. Ben oui, je l'ai dit. Puis c'est surtout son lancement ce soir au Café Campus. Aïe, aïe, aïe. Je suis bien fan de cet artiste. Alors, je vais y être et j'espère que la foule va être bien sympathique. Ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd et j'ai plein de suggestions à te faire parce que de la foule, ben on espère qu'il y en a tout plein à tes spectacles, chers artistes. Et j'espère que, ben oui, il y a beaucoup de lancements. Et ce soir, double lancement. Double parce que, oui, il y a Violette P, puis il y en a un autre. Mais double parce que c'est aussi un double. Lewis Barlow et Vaisseau Gnallé. Et il y aura une première partie à 6h au Divan Orange, alors version acoustique. Et à 9h au Barfly, il va avoir une version rock avec en première partie une version des vétérans. Alors, voilà. Je crois que Violette P est plus tôt. Alors, tu peux faire comme un 3 pour 1 dans ta soirée. Je crois que c'est possible. Il va peut-être juste un peu de marche, mais j'y crois, Crowd. J'y crois. Si tu le fais, tu me rapportes les faits et tu m'écris au Facebook de Critique de Crowd. Ensuite, ben écoute, demain, il y a Amon Amart au Metropolis. Samedi, au Studio B, il y a Fireworks. Et il y aura aussi Lydia Kepinski en première partie ou avec, tout simplement avec. Et si vous êtes par hasard dans la belle ville de Drummondville. Il y a WD40 avec Fidel Fiasco qui sera en spectacle au pub Hério. Ben oui, c'est le fun de retourner dans notre région. Je fais la même affaire en fin de semaine. Et sinon, dimanche, si tu as besoin de ta dose de sludge metal, ben écoute, il y a Baroness au théâtre Corona. Lundi, Vert Bouteille, tu fais tout plein de spectacles lundi, c'est fort sympathique. Et il y aura Mai Tai Orchestra. Je suis retournée mardi dernier aussi au Vert Bouteille. Ça fait longtemps que je t'avais peu fréquenté, cher Vert Bouteille. Alors peut-être je te rapporterai une merveilleuse critique de Crowd de la place. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de tapis de chaise, je pense qu'il y a comme... Oui, j'ai apprécié mon moment malgré la quiétude qu'apporte la Vert Bouteille. C'est à suivre. Mardi, Mothers au Ritz PDB. Mercredi, Lapsley au Théâtre Fairmount. J'ai aussi une suggestion. Là, il y a plein de dates. Fait que prends celle que tu veux. Mais j'ose croire que si tu es un amateur de rock, peut-être seras-tu aussi un amateur de Irvin Welsh, qui est l'auteur de Trainspotting. Il y a eu une adaptation faite, plutôt une traduction faite par Wajdi Mouhamad. Et elle est de retour au théâtre. Une autre mise en scène que, disons, à la première fois que lui, il l'a monté. Ça se passe au Théâtre Prospero jusqu'au 14 mai. Je vous en fais mention parce que moi, je l'ai découvert ce matin. Puis là, je suis comme « Ah! Il faut absolument que j'aille au théâtre. » C'est comme assuré. Il faut que j'aille voir Trainspotting en version théâtrale. Je suis « Aïe, aïe, aïe, aïe. » Je suis toute excitée. Et sinon, suggestion théâtrale tout autant. Si tu as envie de faire partie de la crowd du cubicule, bien, ils vont être en direct de nos ondes, le 89.3. Et ils seront aussi en direct du Théâtre aux Écuries pour le festival Jamais lu. Alors voilà, de la crowd partout, dans plein de façons. Fac, on va continuer en musique avec le palmarès francophone de CISM. Crabe et Faites-tant et les coconuts, deux chansons que j'adore. Et Vega Paris, je l'ai écouté vraiment repeat il y a quelques semaines. Je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas encore passé? Pourquoi je n'ai pas passé à mon émission? Mais ce sera chose faite. Les deux chansons sont respectivement en 25e et 22e position du palmarès. Come on. lunch break, that's all. You're not allowed to have a 20-minute. No, I'm sorry, sir. That's all right. Right, I'm paying attention, sir. Standing up straight at my desk. Et les Coconuts, Vegas, Paris se retrouvent sur leur EP Please Stop Saying It's So Beautiful. Et vous avez aussi entendu la chanson de Crabbe, Déjà Bientôt La Lumière, Le Temps File, le nouvel album aussi. Et pour toutes les belles chansons qui se retrouvent sur le palmarès francophone, allez sur le CISM893.ca. Vous écoutez toujours Critique de Crowd. Ben oui, j'ai dit ghoul au moins 10 000 fois en début d'émission, fait que je te confirme, j'ai vu un peu le spectacle. ouais, alors... C'était un début bien attendu par la foule. Oui, des grands cris, c'était bien... intense, l'enthousiasme était présent. Mais question mosh pit, question pit, ça a été difficile. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être mes attentes inconsciemment. Tu sais, moi, ça faisait un bout là, que j'avais mis à mon agenda. Je vais voir les ghouls. Je vais voir les ghouls, enfin, pour la toute première fois. L'excitation, de pouvoir enfin les voir en direct dans ma face. On dirait que ça fait en sorte que j'ai une volonté supplémentaire à ce qu'il y ait de l'action. Parce que je sais qu'il va en avoir et je sais pas si c'est parce que je suis précipitée ou un peu trop énervée dans ma tête, mais là, première chanson, il se passe rien. Deuxième chanson, il y a des tentatives. 3-4 guerriers, il y en avait un ici, il avait vraiment des énormes biceps, il était, lui, il était préparé pour le mosh pit, là. Il était, je ne sais pas s'il se musclait juste pour ça, mais en tout cas, il pouvait, oui, il pouvait bien se défendre. Mais ça restait, 3-4 personnes, peu nombreux, l'espace restreint et des mouvements un peu hargneux. Tu vois, je pèse beaucoup mes mots parce que, j'ai trouvé le début difficile. Peut-être aussi, je sais pas comment dire, mais on dirait que j'essayais de participer moi aussi. Personne ne m'a repoussé en échange, j'étais comme toute seule. Je me disais, qu'est-ce qui se passe-t-il? Suis-je invisible? Ou si je recevais un coup, il était vraiment fort. C'était violent. Je veux pas utiliser le terme parce que je me dis, voyons les gars, c'est pas une crowd violente. Mais oui, ça pognait mon petit nerf du bout du coude. Tu sais, le petit nerf que quand tu l'accroches, là, t'es tout électrifié, là, du début de tes doigts jusqu'à la fin de tes membres. Tu sais, ça finit plus. Là, comment c'est? Ah, c'est sensible pour rien, ce bout de coude-là, voyons donc. Fait que ça a juste donné à la bonne place, mais ça m'a quand même calmé les ardeurs pendant une chanson. Là, je vais dire, ah non, là, du bout du coude. Et pendant ce temps-là, et même qu'il était présent tout le long, je tiens à faire une petite mention à Étienne Galarneau, cher animateur du mercredi à la même plage horaire que la mienne. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça fait quelques fois que je le croise en spectacle dernièrement et je tiens à souligner que si je dis guerrier de la crowd, il en est un musicalement. Je sais qu'il apprécie tous les groupes qu'il va voir, mais il est aussi très intense. Il vit sa musique. Et ce qui est quand même un peu drôle, c'est que sûrement j'aurais un regard différent si je pas c'était qui, je me dirais juste comme « Hey, il est bien intense, le gars! » Mais là, vu que je sais que c'est Étienne, je fais comme « Ah, Étienne qui est là pour la crowd! » Alors, je le remercie beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il est là du début à la fin. Il est heureux, il aime son groupe et il le témoigne tout en énergie. Mais voilà, moi, ça reste la crowd. Puis moi, il y avait quelque chose qui se passait pas, là. Pas assez de joueurs dans le mosh pit. Mais là, j'y retourne rempli, tu sais, encore une fois, de cette volonté, là, que moi aussi, je veux donner mon amour au ghoul, moi aussi. Fait que là, je rentre dans l'action, dans le pit, jusqu'à ce qu'on va finir l'anecdote après la chanson. J'ai aucune idée, mon Dieu, si c'est le moment et le timing exact où je suis retournée dans le mosh pit, mais on va la passer parce que je la trouve excellente de leur nouvel album Coma Bouddha. J'ouvre ma Bible et puis je vois le Bouddha avec Esther et Judith, mais ça me rend froid, oui. J'ouvre ma Bible et puis je vois le Bouddha, Ruth et ses potes, ma Hobbit, mais ça ne le fait pas, non. J'ouvre ma Bible et puis je vois le Bouddha avec les putes anonymes des pubs que je bois, oui. J'ouvre ma Bible et puis je vois le Bouddha dans un torrent de copines que je n'aurai pas, non. Je vois le Bouddha avec des minettes ou des milfs que je ne connais pas, non. Avec Matisse, Nike, Acuros. Vous venez d'entendre Bouddha, Les Ghouls, Coma, Critique de Crowd, Mosh Pit! Ouais, tout ça en même temps, tout ça en même temps. Puis après, ouais, après cette petite pause, je me suis fait cogner le coude. Tu sais, c'est tellement niaiseux comme douleur niaiseuse, le bout du coude. Mais tu sais, ça m'avait arrêté, mais je me relance, oui, dans le Mosh Pit. Puis c'est un peu drôle, comme je vous disais, on dirait que les poussées ne se passaient pas. Je ne sais pas si c'est l'espace, je ne sais pas si c'est le nombre de participants, mais ceci étant dit, il y a quelqu'un qui m'a poussé de dos et je suis tombée sur le chest d'un gars. Un chest! C'est assez tranquille, ça pourrait même, à limite, ça pourrait être moelleux, mettons. Mais non, je te jure, c'était... C'était un chest dur! Il y a le plexus solide, sérieux, là, ça n'avait pas de sens. Parce que là, j'étais complètement étourdie. Je vais dire, oh boy! Mon Dieu! J'étais décontenancée, là. J'ai agrippé quelqu'un sur le bord du pit. Parce que oui, crowd, sache-le, c'est pas parce que tu es pas dans l'action directement que t'es pas sollicité. Déjà, en partant, le monde qui entoure le pit, tu sais que tu peux des fois recevoir des coups. Tu sais, t'es un peu comme l'amortisseur pour le reste de la crowd. T'es comme une étape éponge, là. T'absorbes des choses. Et là, le gars a peut-être absorbé mon sang sur son T-shirt parce que je l'ai juste comme agrippé parce que là, ça allait plus. Là. J'ai fait comme, ah non, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Puis je vais te dire, j'en ai reçu des coups sur le nez, là. C'est pas grave. C'est banal. Je veux dire, ça fait mal, mais c'est pas si pire. Mais cette fois-ci, là, je fais non, ça m'en va pas, ça va pas. Puis je le réalise pas encore que je saigne partout. C'est dégueulasse, là, finalement, aussi, à tasser la crowd. Tu sais, c'est sold out, la salle Rosson. On est au moins 300 personnes. Je finis par toucher une table. Le gars me demande si ça va bien. Si ça va bien? Ben oui. Puis j'ai dit, écoute, je saigne partout, mais ça va bien. C'était vrai, bon, j'avais encore toute ma tête. Fait que je me suis dit, ça, c'est un point, Jolène. Quand même, on n'est pas parti, on n'est pas inconsciente. Fait que ça passe. Mais là, je chingue partout sur la table, ça n'a aucun sens. Là, je tiens à avertir si t'es justement et t'as peur du sang, là, puis que ça t'énerve en ce moment quand t'écoutes ces ISM. Change de radio, je te le dis, parce que c'est pas fini l'anecdote. Alors, si tu as un cœur sensible, c'est le moment où t'écoutes Rock FM. Fait que là, je suis en train de saigner sur la table, puis là, il y a des inconnus qui viennent m'aider. C'est aussi une des choses charmantes de la crowd, chers inconnus, altruistes, des personnes qui ont été gentilles, attentives, vraiment des infirmières improvisées qui ont arrêté de regarder le show pour quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Je suis infiniment reconnaissante parce que, oui, je connaissais du monde dans la crowd, mais vois-tu, ils étaient de l'autre bord, vraiment à l'autre extrémité. Fait que c'est complètement absurde quand ils m'ont dit « Connais-tu du monde dans la place? » Ben comme, ils sont loin. Fait que ça tenait vraiment à rien. Fait qu'ils m'amènent dans les toilettes pour que je puisse me nettoyer, voir si je suis correcte. Ça, être un peu aussi à l'écart de la foule parce qu'il n'y avait pas tant d'espace pour, disons, décompresser. Et là... Ça n'a aucun sens. La fille, elle me connaît pas du tout. Puis elle s'arrête, puis elle fait « Oh my God! » Et « Oh my God, ton nez est croche! » Tu sais, elle me connaît pas. Ça veut dire qu'il doit être vraiment croche. Je veux dire, si déjà j'avais comme le nez, disons, pas tout à fait droit dans la vie, peut-être qu'elle aurait dit « Bah, ça fait partie de sa face habituelle. » Mais non, là, il était croche à ce point-là pour que quelqu'un qui ne me connaît pas le remarque. Je disais « Hein? » Ça n'est jamais arrivé dans ma vie là, de me casser le nez. Fait que je comprenais plus rien de ce qu'il fallait que je fasse. Alors, j'ai pris tous ces trucs pour du cash. Là. Je me la prenais comme pour l'absolue raison, l'absolu savoir de la médecine. Quand la fille m'a dit « OK, faut que tu te replaces le nez tout de suite parce que c'est vraiment, plus tu le fais rapidement, mieux c'est. Tu vas pouvoir comme mieux guérir. » Fait que j'ai fait confiance, mais je me le suis fait moi-même. Je me suis regardée. Drette dans les yeux, dans le miroir, puis j'ai fait « OK, ça se passe là ». Là, j'ai regardé mon nez, je l'ai pris, puis j'ai fait « crunch ». Ça fait « crunch, crunch », ça fait « crunch ». J'en revenais pas, j'ai fait « Oh mon Dieu ». J'avais les mêmes réflexes que la fille à côté de moi qui arrêtait pas de faire « Oh mon Dieu ». Tout ça s'est passé de même étrangement, dans un certain calme. Je le raconte avec plus d'énervement, parce que ça a été comme 5 secondes de ma vie, cette anecdote-là. Puis ça s'est passé. J'ai fait « OK ». Puis je l'ai fait. Après ça, j'en revenais pas. J'ai regardé la fille et là, elle m'a dit « Ah, un petit peu plus à gauche! » Fait là, je me re-shake le nez. « Ah, ah, il est correct, Jolène! » Ah bah, mais non, on se connaît pas, tu sais pas encore, là, elle m'a pas nommée. Mais bref, elle était comme « Chérie, mademoiselle, ton nez un peu plus à gauche. » Et là, c'est parfait. Hey! l'adrénaline qu'il aura fallu pour ça, j'étais comme dépassée de moi-même. Je pensais pas que pour un simple coup sur un chest trop dur, j'allais arriver jusque-là. Durant les goules, j'étais en train de manquer tout le spectacle. Ça me rendait triste. Puis en même temps, je réalisais pas trop ce qui venait de se passer tellement c'était un peu absurde. Je me disais, voyons, ça se peut pas. La crowd était pas assez violente pour ça. Me casser le nez. Déjà, je disais casser, mais j'avais aucune idée encore. Si c'était le cas, ça m'était jamais arrivé. Finalement, elle me dirige, disons, vers le bord, vers la sortie pour prendre l'air parce qu'il fait chaud à ça là. Même Benoît l'a spécifié tantôt. Fait vraiment chaud. Et affronter la crowd, c'est vraiment affronter. Ça pourrait pas être le meilleur verbe parce que traverser la salle à recette, les toilettes sont dans le fond, sont juste à côté de la scène. Puis la sortie est complètement à l'autre extrémité en diagonale. C'était l'enfer. J'étais pas capable de dire au monde, excusez-moi, faudrait que je m'en aille. Ça m'avait complètement affaibli, j'avais plus d'énergie, je me tenais plus. Puis finalement, j'ai réussi à atteindre la sortie puis avoir des petits glaçons, de l'eau, le monde était encore une fois full. Vous êtes tellement d'une gentillesse là, pour les moments de crise, c'est incroyable. C'est toujours les preuves comme quoi l'humanité... dans nos petits bobos, là, puis dans les grands bobos de l'humanité, ça fait la différence. J'aurais pu être tout seul puis trouver que la crowd est vraiment pourrite, mais non, elle était présente, elle était gentille, généreuse, et j'en revenais toujours pas. Je suis en train de tout gâcher le show des goules. Parce que je suis en train de saigner. En train de saigner, c'est aussi la chanson des Moussettes, fait qu'on va l'écouter. Faire du bicycle, même en hiver. Mais donne-toi pas la peine de remêler mes antennes. Bâti des feux sur l'asphalte, je l'ai. Enterre mes appendices pour les faire exploser. C'est ma façon d'aimer. J'ai le chaton jusqu'à ce qu'il meure. Fonctionne à plein régime. Pour ça que je m'appelle usine. Métaux lourds sortent dans ma soie. C'est le poison, convainc que je roule à fond. C'est ma façon d'aimer. Les maisons blanches qui sentent le sang. Je sais que c'est un peu de ma faute. Peut-être pas toujours un nom. Prends soin du cadre et des couleurs. Si ils deviennent du gros grain. We'll be right back. ça ne pourrait pas être de plus de circonstances. En train de saigner les moussettes. Et oui, vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et je remercie André qui vient d'appeler en direct du studio. Ben oui, je suis live. Je suis aussi en vie, effectivement. Et merci d'apprécier mes anecdotes. Parce que j'avais un peu peur. Je vous concède, chers auditeurs. Je me suis dit, boy, je suis en train de compter de quoi que même quand je raconte au monde, je ris semi de nervosité, puis semi parce que c'est vrai que je trouve ça drôle. Mais en même temps, je suis comme, boy, se replacer le nez dans les toilettes de la Sarah Larossa pendant le show des Goules, il y a quelque chose d'un peu impossible là-dedans. Mais ça se passe. Ça se passe encore. Merci beaucoup, André, de tes bons commentaires. Ça me soulage. Parce que j'étais à la sortie de la salle. Puis déjà, je me faisais prendre pour la fille de la billetterie vu que j'étais assise à sa chaise. Elle était en break. Il y a du monde qui me montrait leur passe. Non, il y en a eu juste un, mais je trouvais ça un peu absurde. J'étais dégueulasse. Puis ils pensaient que j'étais la fille de la billetterie. Je me demande où c'est qu'il y a eu la confusion. Quand je dis dégueulasse. J'avais pas de miroir, j'avais plus de miroir à ce moment-là, plutôt, mais mes cheveux étaient n'importe quoi. La glace a fait en sorte que mon mascara, non, il est pas waterproof, fait qu'il a tout coulé. J'étais un raton laveur. J'avais du sang qui séchait partout sur moi, de mon mien. Oui, oui, c'était le mien, mais écoute, j'en avais autant sur la boue que sur le linge. J'étais pas propre, tu sais. Fait que... C'était un peu étrange de me faire prendre pour une professionnelle du billet, là. Puis après, ben, y a encore des gens qui ont vérifié si tout allait bien, d'autres qui ont voulu me consoler, dont un gars, boy, tu sais, il me dit « Ah, c'est pas grave, c'est cassé le nez, tu sais, moi, ça m'est arrivé 7 fois, c'est pas grave! » Le garçon, malgré sa beauté, effectivement, beau garçon, beau bonhomme, mais il avait le nez comme un Z, comme si ça faisait des zigzags. Je me suis dit, OK, cette fracture, c'est quand même intense. Ça t'arrivera pas, Jolene, ça t'arrivera pas, c'est la dernière fois. J'ai comme, ah, t'es supposé m'encourager, garçon, check ton nez, t'es l'exemple que, ah, ça paraît beaucoup trop, ah non. Je tilte un peu intérieurement, puis là, j'y réponds, mais c'est parce que j'étais un peu superficielle, puis c'était pas tout à fait le bon terme, mais sur le coup, c'est celui qui est sorti de ma bouche. J'ai dit, superficielle, tu sais, je tiens un peu ma face, je la trouve cute, ma face. J'aimerais ça qu'elle reste comme avant les goules, pas avant puis après dans ma vie des goules. Tu sais, je l'aime mon nez, je trouve qu'il oxygène bien mon corps, puis il sort bien du CO2. Il fait bien sa job. Il est un peu gros, mais vois-tu, je veux pas qu'il soit tout pété et gros. Tu sais, il peut avoir. Je le trouve pas aussi, tu sais, comme il a du caractère. Là, je suis en train d'être un peu trop exagéré. Mon nez! Superficiel, c'est vraiment pas le bon terme à utiliser quand t'es tout dégueulasse, les cheveux, le maquillage. Toi, tout arc. Ils m'ont, tu sais, genre, la petite crowd qu'il y avait à l'entrée m'a regardé d'un air. Sérieux? Tu peux pas te dire que t'es superficiel en ce moment. T'es tellement laite. Tu sais, j'étais tellement au pire exemple que je pourrais être. J'étais loin d'aller au bal. Fait que j'ai décidé justement de prendre une petite pause. Ah, j'étais pas capable d'affronter la crowd encore. Fait que je suis descendue aux toilettes qui est en bas de la Sala Rossa. Ah oui, de l'anti-crowd complètement. J'étais seule, écrasée sur le carrelage de la Sala. Puis j'entendais en écho le spectacle. Puis j'entendais tout ce que je manquais. Ça m'attristait un peu. Et pour les... habitués, très, très, très habitués, où je me répète beaucoup en onde, où vous avez une excellente mémoire. Ça m'a étrangement rappelé le spectacle de Sainte-Catherine à Québec. C'était leur dernier spectacle. Je sais, ils en refont un autre le mois prochain pour le Poudza. Mais reste que c'était leur dernier en tant que les Sainte-Cat à vie, techniquement. Fait que j'avais été hyper emballée d'y aller à Québec, me déplacer, justement avoir autant prévu le show, vouloir autant donner son amour en tant que, ben oui, fan, c'est un terme large, mais apprécier la musique, puis vouloir la vivre une dernière fois en spectacle et que ça se passe pas parce qu'à Québec, dans le rang show des Sainte-Catherine, j'ai fait une commotion cérébrale après 4 chansons, même pas, c'était ridicule. Mais j'ai eu la même sensation. La trop grande volonté en tant que spectateur et surtout comme moi en tant que spectatrice énervée, des répercussions sur mon physique. Ouais, pas à peu près, mettons. Fait que c'est un peu contradictoire de tellement vouloir que ça en crée l'inverse. Comme un spectacle que t'étais pas dû d'aller voir. Le nombre d'années que j'avais pas vu les Goules, puis finalement, je le vois pas tant. C'est la dernière fois que tu vois les 5-4, puis ouais, effectivement, t'es vois pas vraiment. Pour moi, il y a comme une espèce de lien dans ta tête, dans la mienne, où c'est ouais, une forme de trop grande volonté que le show, il parte. Faut que ça soit bon, faut que la crowd soit en feu du début à la fin. Et je sais que c'est pas vrai. Oui, il y a comme une évolution qui se fait dans l'énergie. Même si le monde était très près, je vous le dis, même à la première partie, on sentait que les gens étaient là pour les Goules. On ne peut pas imposer, disons, une cadence aussi effrénée de crowd du début à la fin. Oui, ça arrive, d'autres fois, non. Ça s'explique des fois, oui. Des fois, comme cette fois-ci, ça ça me fait encore... ouais, ça fait encore cet effet-là de... Ah, oh, ouais, ça a pris du temps. C'est quand même drôle. Mais quand les gros titres sont sortis, là, ah, oh, mon Dieu, Kill, le monde était fou, Fétiche, le monde était fou. Je suis revenue dans la salle. Oui, je concède. J'avais pas perdu connaissance cette fois-ci. Fait, je me suis dit, retournons au spectacle. Et leur vieille chanson... Ah, il rentrait vraiment solide dans la crowd. Le pit était devenu énorme. Je vous refais un compte-rendu de ce que j'ai pu voir après, oui, ce moment de solitude et d'introspection sur ma volonté de spectatrice. Mais on va continuer avec des belles thématiques de sang. Rien ne saigne comme un pouce. Ah ouais, t'es-tu sûr? Parce que c'est ce qu'ils disent, les revenants. Save him, I got the morning glory story to tell. Save him, I got the morning glory story to tell. Hop, skip and a jump and a bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. Hop, skip and a jump and a bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump. Alakazoo, alakazam, said like a scam, said the fucking broken piss in my band. So never mind, bro, while I find ground, said the French press party, my New York City man. Pile tu fais fin, kick the can, kick the bucket, diamant, c'est la main. C'est pas de la faute, tu fais la colle, ça se trouve à l'école. C'est pas de la faute, j'ai du goût pour des magnifiques folles. Si j'étais vous, je pas me rester tout. I guess it's ça qu'arrive quand c'est pire de vous. So, j'aime vous si j'ai un manque de goût. I guess it's ça qu'arrive quand c'est pire de vous. C'est là ça joue. Si j'étais vous, je pas me rester tout. I guess it's ça qu'arrive quand c'est pire de vous. So, j'aime vous si j'ai un manque de goût. I guess it's ça qu'arrive quand c'est pire de vous. Hop, skip and a jump and a bump. Jump and a bump, bump, bump, bump, hop, skip and a jump and a bump. Eye patch being curly fried, Harry Salon being trip at Dubai. On est gone, but c'est pas à la bank. On est gone dans le sud avec le mid-size tank. Avec mon cash lâché sous le matelas, besoin de mortgage pour payer l'avocat. A street fight avec un doctora, je savais point mieux puis je l'ai pris dans mes bras. I guess we'll fight for a gang, it's jam reminding. Billing over, j'ai pas des Jehovah. Guzzle up the gas, comme un Ranger Rover. J'ai le Gehovah, ça veut pas mon secret. Arrête au PIP dans mon once de paix, ça fait un héros de jeu, j'peux pas former. Game, c'est le Rambo, game, pas dans les yeux. Fais peur, donne-moi pas la malheur, c'est comme la Feng Shui, quand c'est watch the lake. Café de livre pour le mélodrame. Encyclopédia, et j'veux mon téléback. J'ai 20 ans, c'est le mat des soirs. Mais j'peux la marcher haut, j'veux pas faire le faux. Cash potato, sun-dried tomato. J'écoute la TV sur la radio. Game, c'est le Rambo, game, mon pas dans les yeux. Jump and a bump. Ah, ben la console, elle voulait faire jouer plein de chansons de radio-radio. Déjà, c'est pas ça que je vous avais présenté. Je sais, je suis remplie de surprises cette semaine, chers auditeurs. Fait qu'on a écouté Dexchou. Pourquoi pas? On s'amuse. On va accuser que j'ai pas toute ma tête à cause de mon nez, évidemment. C'est tout à fait logique. Mais là, hey, je suis revenue dans la crowd des ghouls parce que j'avais envie de vivre le moment. Puis oui, c'est niaiseux, hein, mais le fait que je me suis dit... Je suis debout, je respire, je réfléchis normalement. Ben, je me suis dit que j'étais capable de voir la fin du spectacle, même si j'allais le prendre tranquillement, parce que non, j'étais plus à mon 110% du tout, du tout. Et c'est complètement à l'inverse de la foule en avant. Bon, en arrière, tout le temps en gamme, là, comme on a pu le faire remarquer Benoît Poirier en début d'émission. Mais non, non, non, je te le dis, crowd en avant, là, c'était la folie furieuse. C'était un gros pit, ça prenait... Ça prenait la moitié de l'espace. C'était très dense, très... Ouais, ça sort, ça s'énerve. Il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance. C'était beau, c'était gros, c'était intense. Les voir, c'était beau. Il y a eu une tentative de Body Surf vraiment vers la fin pour Crab. Quand je dis tentative, ça a duré comme 2 secondes. Ça a été le seul de la soirée, apparemment, ou du moins de ce que les gens m'ont rapporté. Il peut avoir quand même eu des moments un peu plus calmes, comme durant la chanson Baleine, mais la folie était furieuse, furieuse durant Biker. Là, ça animait les gens, ça avait aucun sens. C'est là où j'ai trouvé qu'il y avait une partie très rock dans l'ambiance des Ghouls, oui, musicalement, mais pas juste ça. Tu sais, dans l'esprit, des présentants, les membres du groupe, le guitariste a reçu une brassière zébrée, en plus. Une brassière, quand même, tu sais, ça fait très cliché rock. Ça fait très rock. Je sais pas trop si c'est organisé ou la fille a vraiment donné la sienne. Parce que oui, il y a comme une partie, est-ce que c'est seulement de la théâtralité ou vraiment elle était spontanée puis elle était comme « Ah, je vais donner ma brassière! » Ça restera un grand mystère pour la foule, ça, on ne pourra pas le savoir. Et l'autre aspect, disons, rock, tu vois, je ne suis pas à l'aise, on dirait, de le compter après tout ça. Je me dis « pas de gêne. » Mais c'était vers le rappel, il y a une fille qui monte sur scène. Déjà, on ne sait pas trop, ça sort d'où. Ou c'est qui? En même temps, c'est bien correct. Hein? T'attends que tout le monde l'assume et que ça dérange personne. Bien correct. Elle fume en dedans une cigarette. Wow, c'est encore correct. Hein? Vive le rock'n'roll. On en offre une au claviériste. Oh, ouais, encore une fois, c'est bien correct. Elle danse mollement. Oui, ce sera le terme parce que des fois, on peut jamais présumer, oui, des fois, il peut avoir des tics nerveux par rapport, disons, à des drogues prises. Ou oui, t'as le corps mou aussi, t'as bu beaucoup. Mais de là, toujours à juger si les gens ont consommé ou non, ce serait un peu réducteur pour le comportement de foule. Mais je te cacherai pas que notre fameuse danseuse au mouvement mou, a pas l'air d'être toute là. Elle a l'air avancée dans sa soirée. Puis elle danse. Tout c'est cute, tu sais, elle décide de monter sur scène, c'est sympathique au final, qu'elle s'amuse, mais là, elle remonte son gilet toujours un peu trop. Puis je suis pas la seule, là, je regardais dans la crowd comme, tu moi, je suis pas à l'aise, puis non, j'étais pas toute seule à pas être à l'aise. Elle remontait juste à la hauteur de, ouah, l'impudeur! On n'a rien vu, puis on n'aura jamais rien vu, puis tant mieux, merci, je voulais pas que quelqu'un regarde de quoi le lendemain matin, tu sais. Mais j'étais, oh, c'était le moment où j'étais pas à l'aise. Je suis comme, il va-tu se passer de quoi? C'est rien passé, merci. Merci. Sinon, ils sont vraiment... ils ont été vraiment ghouls merveilleux. Leur théâtralité qui est juste assez... Tu sais, je trouve pas qu'ils sont dans l'extravagance ou les exagérations, dans les mimiques. Déjà, les paroles suffisent en soi dans la théâtralité. Alors, c'était bien beau. Je reviens sur le théâtre parce que la présentation du batteur qui était habillé en golfeur et qui a donné un coup de swing dans la foule et qui l'a bruté avec sa cymbale à la toute fin du spectacle, là, j'ai adoré. Ça m'a complètement vendu. C'est pas très rocker, puis justement, là, c'était le moins déguisé en rock, là, mais c'est celui que j'ai trouvé le plus drôle. Et peut-être aspect théâtral, durant la partie du spectacle où j'étais présente, il y avait un spectacle dans un spectacle. Je sais pas, le gars s'en est pas rendu compte, puis s'est pas rendu compte, je pense que je l'observais, mais il y avait un trio d'hommes qui dansaient à côté d'un tas de chaises qui était recouvert par une couverture pour qu'ils se tiennent ensemble, puis que personne n'aille en prendre non plus. Là. C'était vraiment... c'est pas le setup cabaret de la Salle Rosa, fait qu'il était juste mis de côté, proche des loges. Et il y a une chaise qui tombe parmi le tas. Et là, on a le droit à une séance de slapstick incroyable. Le gars, il sait pas, là, mais il est en train de manquer sa carrière de comédien à jeu physique. Là, c'est incroyable. Là, il la reprend, il la replace. Elle tombe. Il la reprend, il la replace, il la remet ailleurs. Il y a quelqu'un qui ouvre les loges. Elle retombe la chaise. 2-3 chaises, elle retombe. Là, le gars, il a plus de bras, il sait plus quoi faire. Il est comme, oh non, je me fais attaquer par des chaises. Ses amis sont là. Ils sont pas meilleurs pour l'aider. Ils dansent, s'en foutent. Les chaises, ils pognent tout le bord. C'était n'importe quoi. Je pense qu'il manque de chaînettes pour accrocher toutes les chaises pour comme pas qu'ils pognent tout le temps le bord. Ça, c'est un résumé technique pour la salle-là. Mais ça s'est conclu de la façon la plus drôle pour un trio d'hommes. Pour souligner l'occasion, ils ont pris un selfie. C'était cute. Hey, on va continuer en musique, puis rendu là... Non, on se trompera pas en musique cette fois-ci. Je vais pas vous passer du radio accidentellement. Je suis assez certaine de vous présenter Otari avec la chanson Soutien-gorge Twist. Pour toi, fille, qui a perdu un soutien-gorge ou qui l'a donné comme offrande à ces hommes qui sont les ghouls. Thank you. dois m'acheter un soutien-gorge pour l'impressionner. Ça me prend un soutien-gorge qui va me faire une belle poitrine, une belle gorge décolletée. Une vieille madame cogne à la porte. Elle est vraiment pas belle, elle sent le pipi de chat. Tu me donnes un cœur de pomme, je vais te donner un cadeau magique. Une canne de bine, ça fait-tu pareil? Oh oui, des bines. Elle me sort un vieux soutien-gorge de la même couleur que mon vieil ordinateur. Sans plus attendre, je m'en vais l'essayer. Il est trop grand, mais je sens que je vais l'aimer. Soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Et c'est le soutien-gorge twist. Tu fais le soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Tu fais le soutien-gorge twist. Tu fais le soutien-gorge twist. Pour tester mon nouveau soutien-gorge, je vais marcher dans la rue et tout le monde s'arrête pour danser le soutien-gorge twist. C'est agréable, mais en même temps, c'est inquiétant. Les oiseaux font l'amour et les minous font des roues. Alors j'accours vers le restaurant chinois. C'est l'heure du rendez-vous, mais lui, il n'y est pas. Où est-il? Où est-il? Soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Je fais le soutien-gorge twist. Tu fais le soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Je fais le soutien-gorge twist. Tu fais le soutien-gorge twist. Je cherche partout, à travers tous ces twisters, où se cache mon rendez-vous doux. J'entends du bruit dans la toilette des filles. J'ouvre la porte et à ma grande surprise, soutien-gorge twist. Sur le bol est assise la vieille madame. Elle mange ses bines en chantant. Je te l'avais dit. Des bines. Soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Je fais le soutien-gorge twist. Je fais le soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Soutien-gorge twist. Je fais le soutien-gorge twist. Je fais le soutien-gorge twist. Tout le monde fait le soutien-gorge twist. Vas-y, fais le soutien-gorge twist. Allez, fais le soutien-gorge twist. Pas game de faire le soutien-gorge twist. J'ai foutu tes meubles dans la rue en espérant qu'on roule dessus. Tous tes bijoux et tes vêtements sont aux mains des itinérants. Et moi, je fume ma cigarette. J'ai brisé ta télévision avec tes souliers à talons. Toutes les photos de toi et moi sont barbouillées de mascara. Et moi, je fume ma cigarette. Et moi, je fume ma cigarette. Mais c'est tant pis pour toi. Favori, j'ai allumé dans ta maison un beau grand feu dans ton salon. Et moi, je fume ma cigarette. C'est moi qui a rasé ton chat, étendu le poil dans tes draps. J'ai tout mangé ta nourriture pour la recracher sur tes murs. Pendant que je fume ma cigarette. Pendant que je fume ma cigarette. Et c'est tant pis pour toi. Pardonner, tu trouves que j'ai exagéré. T'as plein de choses à m'expliquer. Tu oses m'appeler pour discuter pendant que je fume ma cigarette. Il n'y a à part l'explication, il n'y a pas de solution. Tu ne m'as pris que pour un con, maintenant va-t'en et pour le bon. Pendant que je fume ma cigarette. Pendant que je fume ma cigarette. Pendant que je fume ma cigarette. Et c'est tant pis pour toi. Et c'est tant pis pour toi. Maintenant tu pleures et tu regrettes. Pendant que je fume ma cigarette. Tu oses m'appeler et tu t'entêtes. Pendant que je fume ma cigarette. Maintenant tu pleures et tu regrettes. Pendant que je fume ma cigarette. Tant pis pour toi. Cigarette, Tracteur Jack. Ben oui, à l'honneur de la fille qui allumait des cigarettes sur scène durant les goules. Et c'était la fin du spectacle. Et oui, je savais pas trop quoi faire quand tu te casses le nez dans la vie. Enfin, je suis allée à l'hôpital. Je me sentais vraiment étrange déjà d'y aller puis savoir où j'allais y passer la nuit parce que j'étais consciente, j'étais pas malade gravement. Et en même temps, ben mon Dieu, je me suis dit que ce serait un peu étrange d'en faire une critique de crowd. Et j'ai quand même passé 8 heures là-bas. Ça, c'est peu, 8 heures dans notre vie. Mais comment... Puis le malaise, peut-être, d'en parler, l'urgence, c'est comment on est dans une intimité, dans notre plus grande vulnérabilité, même, quand on peut aller à l'hôpital en général ou à l'urgence. Pour moi, c'est... Ouais, c'est toucher l'intimité des gens. Puis en même temps, tu les croises à peine. C'est un peu étrange de vivre ce moment-là de douleur, de vulnérabilité en public, en crowd, ou tout simplement attendre avec des gens que tu parleras pas, que tu sauras jamais qu'est-ce qu'ils ont assis pendant 8 heures de temps. Puis on fait juste regarder la télé, puis ça a été vraiment, vraiment louche parce qu'ils ont mis ça à Canal D, à l'émission Les spéciales, les pires accidents filmés. Fait que là, il y avait comme des pistes de chars qui roulent de tout tel bord. J'étais comme, voyons donc, c'est bien le pire choix d'émission pour les urgences. Qu'est-ce que c'est ça? Je trouvais ça, là, atroce. Je me disais, voyons, c'est quoi ce choix-là? C'est bien absurde. Les pires accidents enregistrés. Je trouvais que ça dépassait le bon goût, ça dépassait la réalité complètement. Et passer 8 heures aussi là-bas, ça m'a fait réaliser les lacunes de la société, des services sociaux, quand tu vois du monde à 4-5 heures du matin arriver, non pas par accident, c'est parce qu'ils sont en train de dégriser. La soirée était trop tough et mettons qu'ils ont mal géré le truc et qu'ils viennent seulement écumer leur vin. C'est un peu étrange. C'est surtout bizarre pour une fille qui venait pas de Montréal puis que sa soirée du 2,81, elle va s'en rappeler longtemps. Surtout parce que, tu sais, c'est comme, tout est anonyme normalement à l'hôpital, mais quand tu gueules puis tu résumes ton histoire, ben oui, je l'apprends. Fait que sa meilleure amie l'a abandonnée à l'hôpital. L'autre était à l'hôtel. Tu fais, voyons donc, quel manque de solidarité. Qu'est-ce que c'est passé là? Elle est pas supposée être à l'urgence, la fille, là. En tout cas, tu connais pas la vie de chacun, mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe ici? Puis à côté du monde qui écume leur vin, ben, il y en a d'autres qui cherchaient juste une place où dormir. Puis je me dis, c'est triste. C'est d'une tristesse profonde de toutes les blessures de notre société, des gens qui y abritent pour que l'urgence soit justement un abri, comme un rempart pour tous les éclopés qui ne savent plus se trouver une place. Il y a les urgences. Ouais, ça m'a bien fait relativiser. J'ai eu un rayon X, on m'a dit que j'avais le nez fracturé, puis c'était bien correct. C'était vraiment bien correct. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui était aux urgences ce soir-là. Vous êtes beau, vous êtes capable, je crois en vous. Et je crois aussi en toi, crowd, vraiment, vous êtes généreux et gentil. Là. Merci à David qui vient d'appeler pour dire « Bravo, Jalen, continue avec ça, ton nez, je suis sûre qu'il est correct. » Oui, correct, mon nez, merci beaucoup. Puis vraiment, vous êtes d'une gentillesse incroyable, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs auditeurs de CISM. Alors sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Puis on va écouter la salle d'attente, tout en thématique, les guenilles. Fait que je vous dis bye-bye. On annonce 40 tout l'été. Étudiants ou gradués 2016? Du 4 avril au 9 mai prochain, inscris-toi au forfait estival à la salle d'entraînement du CEPSUM pour aussi peu que 40 $ pour 4 mois. Visitez le cepsum.umontréal.ca pour tous les détails. Salut Montréal! T'es dans un band et tu cherches une bonne place pour performer devant un public de feu? Eh bien, les lundis de l'industrie à l'Abreuvoir sont parfaits pour toi. Ici Michel Kouta qui t'invite à t'inscrire au info@commercialabreuvoir.ca pour avoir la chance de rocker notre scène. Et en plus, un rabais de 25% sur la bière et l'alcool fort est offert aux clients. Fait que lundi soir, après avoir regardé la 79e saison de l'Auberge du Chien Noir, pointe-toi à l'Abreuvoir pour nos soirées les lundis de l'industrie. Les shows commencent à 22h. Fait qu'on t'attend, la rockstar! L'Abreuvoir. Bar et terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Cette semaine, les promotions Propaganda vous proposent comme sortie culturelle. Montréal New Wave, un phénomène culturel de grande ampleur bien au-delà de la musique. À la Cinémathèque québécoise et au Cinéma du Parc dès le 29 avril, retour vers le futur. Ne manquez pas la 9e édition de la Virée des ateliers. Artistes, artisans et designers de mode de la rue Parthenay vous ouvrent leurs portes du 5 au 8 mai. Pour information, consultez lavireedesateliers.com. La 7e édition du Festival Chromatique au Hangar 16 dans le Vieux-Port du 19 au 22 mai. Billets et informations sur chromatique.ca. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Cet été, la métropole vibre au rythme des francophonies de Montréal. Voyez sur scène deux poids lourds du hip-hop québécois, Soulja et Rhyme. La révélation rock de l'heure en France, Feu Chatterton. Les textes crus et mordants de Bernard Adamus. Et célébrer les 20 ans de l'album Vacuum avec Groovy at Bark. Billets en vente au francophonie.com. Présenté par Bell, en collaboration avec Ford du Canada, en association avec La Presse Plus et CISM. Musique t'invite au lancement de Ricochet, le nouvel album de Joseph Edgar, le mardi 3 mai, de 18h à 13h, au Baron Samedi sur la rue Masson. Au menu, une prestation, des DJ, des plats de la Nouvelle-Orléans et du gros fun. C'est gratuit! La quatrième édition du Festival Anachronique est de retour le 5, 6, 7 mai 2016 au Quartier Latin. Les légendes du garage de Gloosome, de Black Lips, de Season, les Marinelli, Bloodshotville, Chéri Chéri, Candles, The Brain, The Matadors et une tonne de groupes à découvrir, tels que Easy Tones, Blue Cheese et Damhole Blue. Voitures vintage à profusion, DJ set garage et événements mode au rendez-vous. Les passes commencent à aussi peu que 25$ pour tout le week-end. Pour plus d'informations, consultez le anachronique.info dès maintenant. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Salut les jeunes! Salut les jeunes! Hey, salut vous autres! Mesdames, messieurs, merci! Puis toi aussi! Le gars! Hello! C'est pas juste fait pour les petits casques! Je suis